بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Et donc, barakallahu fikoum, les frères, l'auteur qui nous dit « Et que les serviteurs ont avec eux des scribes qui inscrivent leurs œuvres sans qu'aucune de celles-ci ne puisse leur échapper. Et tout cela alors que leur Seigneur le sait. » Alors, ta'ala, c'est parfaitement ce que nous faisons. Mais il nous a placé des anges, des scribes qui notent tout ce que nous faisons pour établir la preuve sur nous. Il n'a pas besoin, il sait que ce que nous faisons. Mais ces anges établissent la preuve sur nous. C'est pour nous montrer qu'il est juste, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal qui nous dit wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin. Et certes, vous avez avec vous des hafidin, des anges qui enregistrent. Kiraman, ils sont nobles, katibin, des scribes. Ya'lamuna ma taf'alun, ils savent parfaitement ce que vous faites. La sourate 82 et le verset 10. La sourate 82 et le verset 10. Et aussi, on a un point important des Jazakumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il y a une image, un chien. Donc, est-ce qu'une personne, si elle rentre dans une demeure dans laquelle il y a une image, elle peut faire ce qu'elle veut et les anges ne voient pas? Ça ne concerne pas tous les anges. Et donc non, ça ne concerne pas tous les anges. Ce qui est voulu par là, les anges qui ne rentrent pas, ce sont les anges qui protègent. On a des anges qui nous protègent. Et donc ceux qui ne rentrent pas, ce sont les anges qui nous protègent. D'accord? Et donc c'est important de faire attention à ça. Jazakumullah khairan. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a affirmé que les anges écrivent ce que nous faisons et que rien ne leur échappe. Rien ne leur échappe. Et ceci par la puissance qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordée. Et il n'y a pas de contradiction avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktub. Certes, c'est nous qui donnons la vie aux morts, et c'est nous qui écrivons. Et c'est nous qui écrivons ce qu'ils ont avancé, ce qu'ils ont fait. Alors, il n'y a pas de contradiction. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Et donc, dans un passage, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que les anges écrivent. Et dans un autre passage, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa nahnu inna nahnu. Certes, c'est nous. C'est le même nous que Mashallah, c'est la même formulation que Allah nous dit, nous avons fait descendre le Coran et ce sont les anges qui sont descendus avec le Coran. Et donc lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, donc c'est Jibril qui est descendu avec le Coran, et donc lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit cela, et donc il nous montre que c'est lui qui a ordonné aux anges. Et donc les anges font ce qu'il leur est ordonné. Et donc quand il dit c'est nous qui écrivons, c'est-à-dire ce sont les anges qui écrivent par son commandement, tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, il n'y a pas de contradiction. Et donc faites attention à parfois des personnes qui vont essayer de chercher des contradictions dans le Coran. Alhamdulillah, il n'y a pas de contradiction. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, est que l'ange de la mort saisit les âmes par la permission de son Seigneur. Ah. L'ange de la mort saisit les âmes par la permission de son Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, « Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. » Donc la sourate, la sajda, la sourate donc 32, le verset 11, dit « L'ange de la mort qui est responsable de vous, vous donnera la mort, puis c'est vers votre Seigneur que vous retournerez. » Sourate 32, 11. Puis c'est vers votre Seigneur que vous retournerez. L'ange de la mort, c'est quoi son nom? De source sûre, on ne sait pas. Mashallah. Bonne réponse. Il n'y a aucune chaîne de transmission, il n'y a pas de chaîne de transmission authentique qui nous cite le nom de l'ange de la mort. Mais il y a des textes où il y a cité un nom qui lui est attribué, mais de manière authentique, non, il n'y en a pas. Allah tabaraka wa ta'ala wa law tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Et lorsque tu verras les injustes au moment de la mort et que les anges leur diront, les anges tendront les mains et leur diront, faites sortir vos âmes. Faites sortir vos âmes. Surat al-An'am, le verset 93. Surat 6. Et maintenant, il y a un verset que je vais vous citer, les frères, barakallahu fikoum, Allah Azza wa Jal qui dit « Allahu yatawaffa al-anfus ». Allah fait mourir les âmes. Alors, ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et que la meilleure des générations est celle de ceux qui ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont cru en lui. Puis ceux qui sont venus après eux, puis ceux qui sont venus après eux. Donc la meilleure génération, c'est la génération des compagnons. La meilleure génération, la génération des compagnons. Dans Sahihain, selon Ibn Mas'ud, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi parmi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Et donc les gens de la sunna, ils croient fermement que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Ils reviennent vers eux, ils les suivent. Comme on le verra aussi clairement dans la parole de l'auteur, rahimahullah. Quelle est la définition du compagnon? Alors, ici, tu m'as fait un signe. Il m'a dit donc ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je te dirais, il y a des koufars qui l'ont vu. Non, mais ceux qui ont vécu et l'ont vu. Ceux qui ont vécu et qui l'ont vu. Pourquoi il y a ceux qui étaient morts et qui l'ont vu aussi? Non. Parce qu'ils étaient autour de lui. Hein? Ceux qui ont mangé avec lui. Œuvré. Œuvré, il a dit. On a faim, on a jeûné. Ceux qui ont vécu. Ceux qui ont vécu avec lui. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas vécu avec lui, il est resté avec lui une minute, deux minutes, et il repart. Ah ah, mashallah. Mashallah. Et donc, la définition alors? Attendez. Ici, Yazid nous a donné une information. Donc Yazid, redonne-nous la définition. Parce que là, tes frères, ils sont partis dans des histoires, rester, manger, parler, etc. Il faut recorriger, là. C'est un qui a vécu avec le prophète, qui était musulman, qui a accepté son message, qui a vécu avec lui, à ses côtés, quoi. Qui a vécu, mais ça veut dire quoi, vécu? Il a vu, C'est la vôtre. Ceux qui l'ont suivi. Vous n'avez qu'à partager ça. C'est son pommage. Hein? S'il est aveugle, alors. C'est le premier converti. Il était kef. Il a rencontré le prophète. Il a vécu avec lui. Il s'est converti. Il a accepté l'islam. Ça, c'est un peu pas lui. Il a vécu avec lui. Alors maintenant, je vais vous demander. Celui parmi donc les gens qui viennent de loin. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô messager d'Allah, quelles sont mes obligations en islam? Le prophète qui lui dit, tes obligations sont ça, tes cinq prières, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Et la personne qui reste là, il dit, ok, je ne vais rien ajouter à cela, ni diminuer. Et il part. Je ne fais rien de plus que ça et je ne diminue pas. Et il part. Juste un musulman. Il n'a pas contribué à la diffusion de l'islam. Il est forcément. Et donc, et c'est là qu'on fait la différence entre le terme linguistique dans la langue. Et dans la législation. Dans la législation, le sahabi, c'est pas celui qui a vu, mais c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort sur cela. Il a rencontré le prophète en croyant en lui et il est mort sur cela. Celui qui a ça, il a le degré des compagnons et il est meilleur que tous ceux qui viennent après. C'est un mérite qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est un rang qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète en croyant en lui et qui est mort sur cela. Celui qui rencontre le prophète mais qui ne croit pas en lui et qu'ensuite après la mort du prophète il croit en lui, c'est pas un compagnon. C'est pas un compagnon. Malgré qu'il l'ait rencontré. Il faut l'avoir rencontré en étant croyant. Ça dépend du moment. Si c'était le moment où la bi'a était demandée, ou celui qui s'est converti après que la bi'a a été faite, etc., ça dépend. Et si c'était une femme, à ce moment-là, est-ce qu'on dit un compagnon féminin? Oui, oui. Les femmes parmi les compagnonnes, elles sont sahabiyates. Et donc ici, il est important, il n'est pas mis en condition qu'il fréquente longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit « Adnahum suhbatan khayrun min alladhina lam yaraw an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Celui qui a le moins fréquenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que celui qui ne l'a pas vu. Est meilleur que celui qui ne l'a pas vu. Il dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala les a cités dans le Coran, dans l'Injil. Zalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala les a cités dans les livres précédents, il les a cités dans le Coran. Et ce qui montre l'importance et le rang de ces gens-là. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans son livre très connu, Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, il dit, وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَنَّ اللَّهُ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. Fin de citation. Il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, celui qui médite sur la vie donc de ces gens-là, des compagnons, et donc qui le fait avec science et avec clairvoyance, et à qui Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, et qui médite sur ce qu'Allah a accordé à ces gens-là, aux compagnons, comme mérite, cette personne-là verra avec certitude que ceux-ci sont les meilleurs des créatures après les prophètes et qu'il n'y a pas eu et il n'y aura pas de gens comme eux qui ont le même rang que ces gens-là, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les meilleurs des générations de cette communauté qui est la meilleure communauté et la plus noble pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans sourate al-Fath, la sourate 48, le verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah fut satisfait des croyants lorsqu'ils te portaient allégeance en dessous de l'arbre. Est-ce qu'il y en a un entre parmi nous qui a porté allégeance au prophète en dessous de l'arbre? On ne l'a pas fait. Et donc ce verset-là, il concerne spécifiquement les Sahaba. Il concerne les Sahaba. Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait d'eux. Tu veux qu'Allah soit satisfait de toi? Suis-les. Suis-les. Cherche à savoir quelle était leur croyance. Qu'est-ce qu'ils disaient concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur qui nous dit les meilleurs des compagnons, donc on voit que les compagnons ne sont pas égaux. Les meilleurs des compagnons sont les califes, bien guidés et bien dirigés. Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Qu'Allah soit satisfait de tous. Et donc les prophètes, et je dis bien les prophètes, ne sont pas égaux. Les prophètes eux-mêmes ne sont pas égaux. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran, « Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. » Voici les prophètes, les messagers. Nous avons donc « faddalna », nous avons favorisé certains à d'autres. Nous avons favorisé certains à d'autres. Et donc, c'est la même chose pour les compagnons. Les compagnons aussi se distinguent. Dans Sunan Abi Daoud, selon El Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Fa'alaykum bi sunnati. Il dit accrochez-vous à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ainsi que la sunna de mes califes bien guidés. La sunna des califes bien guidés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous ordonne de suivre ces gens-là, les califes bien guidés. Nous devons nous accrocher à leur sunna. Et donc ça c'est important, barakallahu fikoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le lien entre sa sunna et leur sunna à eux. Et il les a décrits comme étant bien guidés. Et donc tu cherches la guider. Ce n'est pas possible que tu cherches sincèrement la guider, que tu vois que tu es sur une voie et que eux sont sur une autre voie et que tu ne cherches pas à changer. Tu veux être sur la guider, il faut que tu sois sur la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est eux qui connaissent mieux la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui connaissent mieux l'explication du Coran. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et tu me dis que tu connais mieux qu'eux. Tu ne peux pas. C'est eux qui nous ont transmis toute la science que nous avons. Ibn Hajar, il a cité dans son livre Fath al-Bari l'explication de Sahih al-Bukhari, l'unanimité concernant le classement des compagnons dans les mérites de la, et un classement qui respecte le titre de calife, c'est-à-dire que le premier, le meilleur, c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Uthman, ensuite c'est Ali. Unanimité sur ce sujet. Unanimité sur ce sujet. Et donc, comme on a dit, les meilleurs des compagnons, ce sont les quatre califes bien guidés. Et ensuite, après cela, on a les autres parmi les 10 qui ont été annoncés au paradis. Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubayr ibn Al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Et ensuite, après cela, on a ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr. Puis, après cela, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Puis, après cela, on a Bay'atul Ridwan, ceux qui ont participé au pacte donc de Ridwan. Puis, ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. Et ensuite, les autres, parmi les Muhajiroun, donc ceux qui ont fait la hijra, l'émigration. Puis, les autres, parmi les Ansar. Et donc, les Muhajiroun avant les Ansar. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « La yastawi man anfaqa minkum min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna » Ne sont pas égaux ceux parmi vous qui ont dépensé avant la conquête et qui ont combattu. Ceux-là sont ceux qui ont les plus grandes récompenses. Ceux-là ont donc plus de récompenses que ceux qui ont dépensé, qui ont combattu après cela. Mais à tous, Allah a promis el-husna. C'est quoi le husna ? Le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala a promis le paradis à tous les compagnons. Donc, on va arrêter là, on reprend dans quelques minutes bi'idhnillahi ta'ala wa faqallahu jami'an lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On reprend à 19h30 inshallah.